N'oublie pas ton appartenance. لا تنسى لغتك. N'oublie pas ta langue. هذه وصايا لك. Ça, ce sont des conseils pour toi. فهناك أناس. Il y a des gens. ضاعت هويتهم. Ils ont perdu leur personnalité et leur identité. فضاعت ذريتهم. Et ainsi, leurs enfants ont été perdus, leur descendance. وأصبح أبناء أبناء. Et les enfants de ces enfants sont devenus. على غير دين. Ils sont, les enfants de ces enfants ne sont plus sur sa religion. Ils sont devenus des chrétiens. وأنت Et toi, tu es la cause. ضيعت هويتك. Tu as perdu ton identité. فضاعت ذريتك. Ainsi, ta descendance est perdue. ربما ابنته أصبحت في حضن مصانع. Peut-être que sa fille se trouve dans les bras d'un chrétien et il a eu un enfant de lui et il est de ta descendance. Ou peut-être que la fille l'a délaissé et c'est l'église qui le prendra en charge et ta descendance est devenue il adore la croix. Fais attention à ta langue. Il y a des générations qui sont arrivées et des générations ne connaissent plus leur langue. أنا لا أتكلم عن شيء في الخيال. Moi, je ne parle pas de quelque chose qui est dans l'illusion. Je ne parle pas de l'illusion. وإن كان كلامي غير واقع، قولوا لي اسكت. Et si mes paroles ne sont pas réelles, ils ne sont pas d'actualité, dites-moi de se taire. ما رأيكم؟ Qu'est-ce que vous dites؟ واقع أو غير واقع؟ واقع. ولذلك. C'est pour ça. Ma fat est fat. Ce qui est passé est passé. وما حصل حصل. Ce qui est arrivé est arrivé. فلنتدارك ما تبقى. Qu'on rattrape ce qui reste. فإذا ضاعت الهوية والدين واللغة. Si maintenant l'identité est perdue ainsi que la langue. هذا هو ما يعبر عنه بالمسخ. Et c'est ce qu'on appelle la défiguration. المسح كل شيء. Toute chose va être défigurée. من سمات الهوية. Fait partie des caractéristiques de l'identité. محافظتك على الصلاة. Le fait de préserver la prière. إذن من الوصايا في أهل الإسلام. Fait partie des conseils pour les gens de l'islam. لا يترك الصلاة. Qu'ils délaissent pas la prière. وإني أشكر أبناء عموم المغرب العربي. Et je remercie les enfants en général du Maghreb, arabe, tout le Maghreb et son nord, le Maghreb arabe. Je n'ai pas visité un de leurs villages, de leur ville, qu'il y a une mosquée. Les mosquées, on y prie. Et on s'y réunit. Et j'ai peur. Et j'ai peur que ce ne soit que les personnes âgées qui y viennent. Les personnes âgées, ils ont l'identité, elle est claire pour eux. Écoute leurs paroles. Regarde leurs vêtements. Regarde comment ils préservent la prière. Ça, ce sont les caractéristiques de l'identité. Mais si nous regardons les enfants,

Avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs s'apaisent. Que ta discussion soit toujours dans l'invocation d'Allah et le fait d'appeler vers Allah et le conseil et le rappel. Regarde l'un des hadiths du messager alayhi salatu wassalam. Préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. Ça c'est la première. Et sois dans un bon comportement avec les gens. Ça c'est la deuxième. Et la mauvaise œuvre, celui-là d'une bonne, il va l'effacer. Ce hadith, il nous parle de trois droits. Le premier droit, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le deuxième droit, le droit avec les gens. Le troisième droit, le droit de ton nefs. Il y a cette religion qui est complète entre les droits d'Allah et les droits de ses serviteurs et avec toi-même. La législation elle est complète et la perfection dans la législation. Médite la parole du Messager alayhi salam. Ittaqillah haythuma. Préserve les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala où que tu sois. لوحدك. Que tu sois tout seul. مع الناس. Avec les gens. مع من يعرفك. Avec ceux qui te connaissent. مع من لا يعرفك. Avec ceux qui ne te connaissent pas. في مجتمعك وبيئتك. Dans ta société et dans ton lieu. في بلدك. Dans ton pays. في غير بلدك. En dehors de ton pays. في سفرك. Durant ton voyage, إقامتك, durant ta résidence, ليلك, dans ta nuit, نهارك, dans ta journée, كل أحوالك, dans toutes tes situations. عبارة, حيثما كنت. Et ça suffit comme expression où que tu sois. إذن, هذه هي حقيقة التقوى. Ça, c'est la réalité de la taqwa. ليست التقوى أن إذا رأك أحد تركت وإذا لم يرك أحد مارست. Ta foi, ce n'est pas quand quelqu'un il te voit, tu délaisses. Et quand il ne te voit pas, tu fais. Peut-être que si un enfant de 7 ans te voit, tu as honte devant lui. Et quand tu es tout seul, tu n'as pas honte que Allah subhanahu wa ta'ala te regarde. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Ne sait-il pas ce qu'il a créé? Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. C'est lui qui a créé, qui a fait les choses à la perfection. Donc, préserve le droit d'Allah. Où que tu sois. Préserve le droit d'Allah subhanahu concernant ton regard. Et fait partie du conseil pour les musulmans dans les pays de l'Occident, c'est le fait de préserver leur vue et d'être sages au niveau de la vue. Des gens marchent dans la rue nue. Le hadith, ils sont conformes au hadith qui dit ils sont habillés sans lettres en étant déshabillés. Kasiyat aliyat, yani bita. العورة بالستر ليس هو تغيير لون الجلد. Le fait de couvrir la aura avec le tissu, c'est pas le fait de changer la couleur de la peau. ملي أشعار. عورة لكن لون الجلد متغير. أحمر أصفر أزرق أخضر أبيض. Les rues sont pleines. La peau, il est changé par la couleur du tissu rouge, noir, etc. Mais ils sont dénudés. Ils sont nus. Et le corps est couvert d'un tissu, mais qui est en réalité dans toute la forme du corps. ce vêtement qui colle à la peau, c'est être nu. Préserve les droits de la santé concernant ton regard. لو كنت في بلاد تضعها بعض الأحكام الدينية والشرعية، لقلت اتق الله يا أمة الله وستري. Si tu étais dans un pays qui sont gérés par certaines lois de l'islam, tu aurais pu dire: Oh, servante d'Allah, préserve les droits d'Allah. ولكن نحن في بلدان إباحية. Mais nous, nous sommes dans des pays qui sont des pays de libertinage. لا تريد اذهب إلى بلد. Si tu ne veux pas, tu dois partir chez toi. Et si tu y prouvais par le fait d'être là et d'être venu ici, et préserve ton regard et essaye de faire les moyens pour pouvoir partir. Le fait d'être sage au niveau du salut, c'est important. Pourquoi moi je suis là? Ça, c'est parmi les conseils prodigués aux jeunes musulmans dans le pays de l'Occident. Alors, à l'origine, à la base, le musulman doit rester chez lui. Tu es venu pour te faire guérir ou une maladie. N'oublie pas pourquoi tu es venu pour un but. N'oublie pas le but pour lequel tu es venu. Soit pour un commerce. Soit pour se faire guérir. Ou je suis représentant dans mon pays au niveau de la diplomatie. Le fait d'être ici, il a ses causes. Dis-moi, je parle de ceux qui sont venus ici. Mais quant à ceux qui sont les enfants de ce pays qui se sont convertis ici, ça c'est un autre discours. Et quand la personne a atteint son but, il doit faire très vite à retourner chez lui. Parmi les choses que je conseille et auxquelles il faut donner de l'importance pour les gens, les musulmans dans les pays de l'Occident, soit musulman. Tu vois le musulman, soit musulman. Il faut que tu sois une image de l'islam. Et que ce moment ne te perturbe pas. Et s'il y a beaucoup de fitan, beaucoup de sédition, dans le sens large du terme, si tu les suis, tu deviendras un animal qui ne cherche qu'à assouvir ses tentations. Et il y a des gens. Ils sont partis dans ce sens-là. Ils ont perdu leur religion, leur identité, même leur raison. Certains parmi eux sont dans les rues, ils ne savent pas. De la part de ces choses, et ces poisons qu'ils prennent, et ils voient que ça, il y a un plaisir dedans. Ça les a fait perdre dans leur lieu. Donc, musulman, sois musulman. Le fait d'accomplir ta religion, c'est une da'wa pour ta religion. Ce truc. Le fait que tu sois véridique. Amanatik. Le fait que tu sois digne du dépôt. Fait tout ça rentre dans cette description. Préserve les droits d'Allah.

الشيخ محمد بن رمزان الهاجري.